Exercice 10, page 133. A. Il ferme. Transformer. Ils vont fermer. B. Ils finissent. Transformer. Ils vont finir. C. Ils filment. Transformer. Ils vont filmer. D. Ils visitent. Transformer. Ils vont visiter. E. Ils voyagent. Transformer. Ils vont voyager. F. Ils valident. Transformer. Ils vont valider.